La musique pour rire, suivie de Les sottises des nations, par Hector Berlioz. Un nouveau genre de musique, du moins on prétend qu'il y a de la musique là-dedans, est en grand honneur, à cette heure, à Paris. On l'appelle la musique pour rire. Cela se vend comme la galette des pâtissiers du boulevard Bonne Nouvelle à très bon marché. On a, si l'on veut, pour 6 sous, pour 4 sous, pour 2 sous même. Cela veut être chanté par les gens qui n'ont point de voix et ne savent pas la musique. Cela veut être accompagné par des pianistes qui n'ont pas de doigts et ne savent pas la musique. Cela plaît aux gens dont l'esprit ne court pas les rues et qui pourraient se piquer de ne savoir ni le français ni la musique. On juge de la quantité des consommateurs. Aussi le nombre des théâtres où cette musique appelle les passants augmente-t-il chaque jour. Il y en a intramuros et extramuros. Les amateurs ne prennent même aucune précaution pour y entrer. Ils ne se cachent pas. Les représentations eussent-elles lieu en plein jour, je crois, Dieu me pardonne, qu'ils s'y rendraient sans hésiter. Bien plus, dans certains salons même, on organise maintenant des concerts de musique pour rire. Seulement, on a remarqué que l'auditoire de ces concerts restait toujours fort sérieux et que les chanteurs seuls avaient l'air de rire. Je dis « avaient l'air » parce que ces pauvres gens sont en général mélancoliques comme Triboulet. L'un d'eux, qui avait chanté de la musique pour rire toute sa vie, sans avoir pu trouver un seul instant de gaieté, est mort d'ennui l'année dernière. Un autre vient, dit-on, de se faire professeur de philosophie. On en cite un seul, plus chanceux que ses émules. Celui-là vit entouré de l'estime et de la considération que lui vaut son immense fortune amassée dans une entreprise de pompes funèbres. Mais cet heureux est si gai qu'il ne chante plus. Témoin de ce triomphe de la musique pour rire et de l'influence incontestable qu'elle exerce, l'opéra comique a voulu y recourir pour rendre son public un peu plus sérieux. Il avait entendu parler de la chanson de « L'homme au serpent », chantée et exécutée avec tant de succès dans les concerts de Paris, et d'une comédie intitulée « Les deux Anglais ». Qui eut à l'Odéon un grand nombre de représentations, il y a 28 ou 30 ans, et puis encore de 2 ou 3 vaudevilles sur le même sujet. Alors l'opéra comique s'est dit, avec un bon sens, au-dessous de son âge, si je faisais confectionner avec tout cela quelque chose de nouveau. Ce serait fort, ce serait très fort, et cela ferait le pendant d'un autre nouvel ouvrage que j'ai inventé et qui s'appelle « L'avocat Patelin ». Et l'opéra comique a réussi. Il a maintenant 2 cordes à son arc. Il ne lui manque plus que le trait, mais il sait faire flèche de tout bois. Et le trait vient à point. À qui sait l'attendre ? Les sottises des nations. Castigat ridendo mores. Je déteste la tartufferie et rien ne m'exaspère comme les proverbes, qui affichent, et sur une toile de théâtre encore, des prétentions morales. Une sentence latine prétend que le théâtre de l'opéra comique épure les mœurs, car son castigat n'a pas d'autre signification réelle. N'est-ce pas là une tartufferie stupide, en style lapidaire? Et quand ce serait une vérité, qui demande au théâtre cette fonction d'épurative? Nigo, épurez votre répertoire, épurez la voix de vos chanteurs, épurez le style de vos auteurs et de vos compositeurs, épurez le goût du public, épurez la population de vos premières loges, et n'y laissez entrer que de jeunes et jolies femmes. Votre mission sera remplie. C'est tout ce que nous voulons. D'ailleurs, voyez à quel point est sage la sagesse des proverbes. Qui trop embrasse, mal étreint. Il ne faudrait donc jamais s'occuper que d'un seul travail, que d'une seule entreprise. Il ne faudrait pas avoir plus d'un vaisseau sur le chantier, plus d'un canon à la fonte, plus d'un régiment à l'exercice. César, qui dictait 3 lettres à la fois en 3 langues différentes, était un sot. Napoléon, qui à Moscou trouvait le temps de réglementer le théâtre français, un esprit léger. Et les maris affligés d'une grosse femme ont donc tort de l'embrasser, car, en l'embrassant, ils embrassent beaucoup et étreignent mal. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Ce proverbe-ci tend à déconsidérer et à détruire le commerce, ni plus ni moins. Il tend à détruire même l'agriculture, car si le laboureur en tenait compte, il garderait son grain au lieu d'ensemencer sa terre, et nous mourrions de faim. L'ennui porte conseil. Néo-proverbe mensonger. J'assiste journellement à des opéras, à des cantates, à des soirées, à des sonates d'un ennui mortel, et loin d'être bien conseillé par l'ennui, je sens, en sortant du lieu de l'épreuve, que j'étranglerai, avec transport, des gens que j'eusse volontiers salués courtoisement en y entrant. On n'est jamais trahi que par les chiens. Celui-ci est d'une naïveté qui le met au-dessous de la critique. On est trahi par tout le monde. Il faut hurler avec les loups. Quant à cet aphorisme, une foule de chanteurs de notre temps en ont reconnu la justesse. Ils en blâment seulement la forme. Ils le trouvent trop long, de moitié. Ces exemples me paraissent suffisants pour démontrer que les proverbes latins et français sont les sottises des nations. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Illustration musicale Hector Berlioz. Site museopen.org. Thank you.